Woman de tâche dans le survêt, terrain d'en face qui nous surveille. Pas de vendeur à la sauvette, y'a mon after qui te surveille. Woman de tâche dans le survêt, terrain d'en face qui nous surveille. Pas de vendeur à la sauvette, y'a mon after qui te surveille. J'ai jamais vu dans la tête toi. Au début du projet, on vendait la drogue. On a investi, on a fini l'album. Viens qu'on en finisse, toi t'es mon fils. J'connais tes vices, tes choqueuses sous alcool. Laisse-les faire les comédiens, j'ai leur V9 dans les mains. Y'a que si on perd, on est mal. J'ai appris à faire un Lehman. Pendant que ça grandit, on démarche. Pendant que tâche dans le survêt, y'a un d'en face qui nous surveille. Pas de vendeur à la sauvette, y'a mon after qui te surveille. On manque de tâche dans le survêt, y'a un d'en face qui nous surveille. Pas de vendeur à la sauvette. C'est pas saisonnier, à cause des poux qui ils nous connaissent tous. J'ai vu le peur comme un trait d'espoir. Je voulais me refaire comme l'entrée du soir. Tu parles de balles, tu veux piave. Comptez mes tasses, t'es pas missionné. J'ai déjà la médaille, la peuf au détail. Charme mon pétard, t'as l'air étonné. Dans la porte de la ville, les cons des regards, ce qu'on brasse. Nos anciens sont pleins, c'est chacun son pain, il reste au bas. Ça peinard, ça pédale, ça passe à la caisse. Viens dans mon coin, ça bibi.